dingue ce qui se passe dans mon album photo. Depuis que j'ai ouvert, je pense un peu trop. Les rires et les pleurs me reviennent doucement. Je suis dans une berceuse qui chante le temps. Ça chante le temps. Je revois ces photos, j'aurais sans dire un mot de trop. Je revois ces images, ce que j'aime et moi à travers les âges. Les âges. Je revois ces photos, je reste sans dire un mot de trop. Je revois ces images, ce que j'aime et moi à travers les âges. Je revois ces photos, je reste sans dire un mot de trop. Je revois ces images, ce que j'aime et moi à travers les âges. Oh, les âges. Je revois ces photos, je reste sans dire un mot de trop. Je revois ces images, ce que j'aime et moi à travers les âges. Je revois ces photos, je reste sans dire un mot de trop. Je revois ces images, ce que j'aime et moi à travers les âges.